Mais qu'est-ce que c'est ? Ma boussole. Ta boussole ? Ça sert à retrouver son chemin quand on se perd. Dans la vie, y a des rencontres qui s'avèrent être évidentes. La vie est trépidante, surtout sur une base crépitante. Les connexions se font et se défont au gré du temps. On se fait des frères de son, mais avec d'autres on crée du vent. Mais bon, c'est en chutant qu'on apprend à faire le tri. Et comme à la loterie, parfois y a des tickets gagnants. Sur le mien, y a une boussole, donc je me suis laissé guider. Passion et équité, on n'arrive même plus à se quitter. Les prods sont liquidés, y a des idées quand on se motive. Tous des locomotives avec une tendance émotive. Ensemble, on s'égosille sur les prods du tonton. Sur nos proches, nous comptons quand on est trop près du ponton. Fraternité naturelle, on vient juste se faire kiffer. Tout en vous faisant kiffer, on veut tester le goût du rêve. Maintenant, on passe au refrain pour faire sauter les refrains. Depuis qu'on est ensemble, tout ce qu'on a fait, je le referai. Tabla, c'est la boussole. Pierrot, c'est la boussole. On a toujours su que la réussite se ferait pas toute seule. 700, c'est la boussole. Dieuma, c'est la boussole. Arcadia, on visera la lune en partant du sous-sol. Pierrot, c'est la boussole. Dieuma, c'est la boussole. On a toujours su que la réussite se ferait pas toute seule. 700, c'est la boussole. Tabla, c'est la boussole. Arcadia, on visera la lune en partant du sous-sol. Vas-y, Pierrot, prête-moi ta prod pour que la plume se mette à couler. J'ai pris le rap en fondation de ma petite vie, prête à s'écrouler. Écroué à l'envie de faire des rimes et de voir gicler l'encre. Le genre de truc qui fait trembler les riches et qui agite les gocres. Bah ouais, me sens vivant quand le bordel éclate toujours plus haut. Je continuerai à pied si ma perte elle se crame. Écoute le drame d'un jeune queumé que la vie a largué. Une fois que le temps laisse un cœur vide et le visage marqué, faut se démarquer, rien à branler, ça se fera naturellement. Vaut mieux pas trop en dire, on veut te baiser si t'es naturellement comme un aimant. Le rap attire ceux qui veulent s'alourdir, ceux qui jouent les leur dit, mais n'existe plus une fois que t'es un ordi. Magie, j'ai vu la thune forcer les passions. Des gens cracher de la merde pour qui je préfère la constipation. Gratter du son, c'est un bol d'air dont on peut pas me priver. Depuis que ma vie n'aurait du sens seulement si je l'écrivais. Pierrot, c'est la boussole. Dieuma, c'est la boussole. On a toujours su que pour réussir, faut pas être tout seul. 700, c'est la boussole. Dabla, c'est la boussole. Comme quoi on peut viser la lune en partant du sous-sol. Pierrot, c'est la boussole. Dieuma, c'est la boussole. On a toujours su que pour réussir, faut pas être tout seul. 700, c'est la boussole. Dabla, c'est la boussole. Comme quoi on peut viser la lune en partant du sous-sol. Bloqué sur mon îlot à la plombe d'une barre parisienne. Saute de bar en bar. Slider fait la tournée par parallèle. La solitude, je l'ai connue. On se pratique, je lui fais la part belle. Vacciné, désolé, plus personne peut m'atteindre à part elle. De quelques planches échouées, on a façonné notre radeau. Les voiles lissées, persuadées que l'éternité nous est due à d'autres. Bâtir notre arche, sauvegarder une mesure de chaque espèce. Ravir les marches, chitoyer les cieux comme une fusée de détresse. Tu m'as vas-y, déstresse, c'est pas de revue. Arcadia, dernier refuge. Contrer tous ceux qui jouissent à parier sur le déluge. La vigie tombe des nues. Et l'hypocrisie depuis le début. Sur notre galion, y'a pas de truands, y'a que des bons et des brutes. Biberonné à la rue, on a plus l'âge, croire aux héros. Une boussole parce qu'on a décidé d'avancer sans les autres. Tu m'écoutes, j'ai pas raison. Je tiens debout, c'est pas la mer à boire. C'était Dieuma et quel corsaire déchu chez les bagnards. Dieuma, c'est la boussole. Pierrot, c'est la boussole. On a toujours su que la réussite se ferait pas toute seule. 700, c'est la boussole. Ta place, c'est la boussole. Comme quoi on peut viser la lune en partant du sous-sol. Ouais, Dieuma, c'est la boussole. Pierrot, c'est la boussole. On a toujours su que pour réussir, faut pas être tout seul. Ouais, 700, c'est la boussole. Ta place, c'est la boussole. Comme quoi on peut viser la lune en partant du sous-sol. Ouais, Esta, c'est la boussole. Stab, c'est la boussole. On a toujours su que la réussite se ferait pas toute seule. Mais c'est la boussole. Arcadia, c'est la boussole. On visera la lune tout en partant du sous-sol.